yeux d'un chien perdu sans collier, dans le cœur d'un homme qu'elle a humilié. Elle est dans la ville, collée sur les murs, slogan imbécile que les gens murmurent. Elle est pour l'enfant qui regarde partir son père, le souvenir brûlant de l'amour qu'il perd. Elle est dans la voix, elle est dans le geste, parlez en tout bas, elle fera le reste. La violence, celle qui tue avec les mots, la violence, celle qui fusille en photo. Imprimée sur un passeport d'émigrant, elle est affichée en papier d'argent. Elle est dans la peur, elle est dans le cri, dans l'œil du vainqueur et dans son mépris. Elle est dans la main de celui qui ne l'attend pas, hier ou demain. Elle est toujours là, l'amitié de loin, la pitié qui blesse, la voilà qui tient toutes ses promesses. La violence, celle qui tue avec les mots, la violence, celle qui fusille en fait.